bëtëm yaa ngi ubbeeku ñëree na la di boo waa ma ko ndugal ko wa hakaza waaw dégg mu ne hiya amaratun mahdatun kon ay mandarga kese la li waxoo a ci wane ni li waxoo sawaabi ci wane ci rotu yool wala iqaab ak mbugal la andaha asbabun lahu duñ ay sababam wa hakaza niki noonu indahum fa ñoom al kasru damm gi maal inkisaaru ak damm maam tay boo dammee mbir toj kaas mu toj est ce que xam ngeen différence bi entre toj naa ko toj na toj gi mooy man ma def ko maanaam ma jël par exemple xeer dóor ci kaas léegi dóor gi ak le fait que mu ne tas toj wal xarqu ak lakk maal ixraaqu ak lakk gi manam c'est que utiliser manam le fait que man ma jël tak di lak yere bi ak le fait que yere bi lak wal izhaq andak rendi ma al qatlak ak de ak ray mo jele bat do jël jasi dor ci batu jambour mo de laysa nekul shay'un dara min zalik ci lol sababan di sabab al batta muk amul bamu dara lu ci sabab wala tibata baynahu te amul lu len lekkale digentem ñoom wa baynama ak digent li nga xamne yatarattabu alayhi day daf ci toftala illa mujarrad al iqtiran al adi lulul rek ci aada loolu la yalla mo len lekkale la ta'sir as sabab yi du fekk ne li mo jeexital ci li ci sabab deng wa khalafu ñu wute bi zalik ci loolu al hissa yeg gi wala aqla ak xel wa shar'a ak shari'a wal fitra ak fitra manam ni yalla mo ñëw wa sa'ira tawaif la qala ak mbolem aji xel yi bal li fi nek sax adhaku dañu retando alayhim ci ñom al qala borom xel manam dañu fex ba borom xel di len re li nak mas'ala la bo xamantene bok na ci li wa mazhab ahlu sunna wute ibn taymiya ak talib ibn qayyim manam rahmatullah al jami' parce que ñom en fait mom dina wax mais ñom ñoy ñi nga xamne d'ailleurs motax ibn subki rahimahullah don ko dugg ibn qayyim nan ko yow ñi ngay wax ne dañu retal baam dañu doxé dañu wax ci seen xel baaxul moy ñi nga xamne ñom ñoy ahlu sunna wal jamaa ñoo ñi ngay wax wala bok su fekkante ne waxo ñooñu tuddal seen tour manam voilà lutax nga len ci mu dugg ko bok na ci lim ko duggé moy mas'ala bi ni parce que en fait ibn qayyim limu wax ni mam limu wax ne ñi liñu wax baaxul en réalité li ñu wax moy li baax han waaw ñi mu wax ne sen manam sen xel sen liñu wax baaxul ñom liñu wax effectivement moy li baax xam nga ndax comme ni nga xamne non lañ ko waxawon manam atté dafa am ñetti façon atté dafa am al hukm al aqli am al hukm al adi am al hukm al shar'i hukm al aqli moy atam xel lolou len rek lay set moy warna warul ak manam lu war lo xamanteni muntene manam lu war moy lo xamne wajib la moy lo xamne obligation la mu existé manam lu demé nek lo gis mu am amna lu ko amal tay chaise bi su nekké fi li impossible moy nga ni chaise bi kenté gu ko fi lolou mom atté lek lu war la manam war bok astaghfirullah lu war moy man chaise bi mi ngi fi cela veut dire que amna ko ko fi tek cela veut dire que amna ko fi tek lolou dafa war manam nit ko gis rek tay bu benn way dugg ci won fogg ñu lako ñu lako gis nga fi ñu nek ni appartement bi ñu ne nga ne wa nga ni kenn tabax ko dañ day japp ne ki dafa dox parce que am xelox wa voilà lolou moy manam dafa war ke ni amna ko ko tax amna ñu ko doon defal lolou dafa war ci xel lolou moy war mu am lo xamantene mom lañuy wax manam mustahil moy impossible moy contraire war moy impossible han lu demé nek manam ñu né gis nga ki ñu né waaw ñu né la mom ak papam mom mom ak papam manam xam nga lool kokou dafa impossible parce que ki mom moy cause mu ñew fi kon mënta nek manam mënu ko jitu lool impossible na mu am lo xamantene possible na moy jaiz moy tay ñu la ñu jëlat cause ci bi moy chaise bi table bi ñu la Mustapha moko fi tekko Mustapha moko fi tek lool dafa possible Mustapha tek ko fi mëna keneen mëna ko Omar mëna ko fi tek Fallu mëna ko tek keneen mëna ko fi tek han lool moy le plus possible lool moy atem xel kon ñett yoy la mu li ñu wax atté ahadi mom nak ñom ñi rahmatullah alayhi ñom nak ci atté bobu lañu amé problème motax question bi ci atté bobu lay am moy ñu né nangam dañu yag gis na day waral nangam tay par exemple li ñu yag gis moy ku lek day lek pour sour on est d'accord légui de ce fait kérok nan lañ doon waxtane la Descartes waxon la la je pense donc là je suis bon do la na la lool est ce que wër parce que lool ay mu daruri la manam man sama existence xam nga lan moy ay mu daruri moy xam xam bo xamantene hein buma bëggona défendre ci né loolu amul duma ko man manam buma bëggona douter ci né loolu existé na duma ko man lool moy ay mu daruri manam moy dama na man sama existence c'est pas parce que damay xalat motax bon moy juste dedet man existé na bu yag te xalatuma xalat gi xeyna tektal na ma ne manam limu existé motax ma xalat man limu existé motax mu meuna di am di réflexion mais pas que ni damay xalat donc comme damay xalat manam limu waral ci man moy man ma existé dëd manam donc manam lool moy elmu daru wi tay comme par exemple nit ki xamne mom kenn la du ñaar mom kenn nit rek la du ñaar lool xam nga jaru prouver moy yi nga xamne jaru ñu prouver tay bo bu gono douté ci lool do ko man hein na lool mom nit ñepp xam nañ ko par exemple nit ki xamne ni mënul nek en même temps nit ba paré nek animal manam day meuna nek len nit la wala animal la et cetera lig pour acte sabab bi nak moy li nga xamne nit ñi dañ ko yag gis fuma jëlé ndox tek ko ci taal bi pendant une certaine durée ak bu degré tangor ndox mi day jéki jéki ben moment muy bax hein on est d'accord nit ki tay su jele bopam dugul ko ci taal bi day tak parce que lolu xam nga tay lolu amul ben atti bu la koy wax lolu amul preuve parce que yow mënon ni taal bi dalay lak day laké lolu amul ben preuve ludul expérience moy science expérimentale xam nañ ni tay buma fébaré buma jele niwakine mom non la médecine di doxé moy di yag expérimenter di yag xol di yag sét bay gis né li day waral nangam yoy ñoy chef hein motax observation lañ koy tuddé ci ñenn ni buñu ci wala yoy donc lool la c'est à dire que moy dama sétlu né suma jëlé yéere duggal ko ci taal day tak la preuve li lay wone du lak rek manam du tak tak bi day laké ci sé moy tay buma jëlone amna matière yo xamne suma ko jëlé duggal ko ci bir taal bi du ko lak benen bi moy nit bu duggé ci taal xam nga da koy lak normalement mais mam ibrahima alayhi salam duggal nañ ko ci taal bi té taal bi lak ko légui nak dañ nan yalla def na tak tak manam def na ci lutax manam mom yalla ci bopom moy ki waral sababi manam mom mo ne par exemple que ni tak tak bi man ma def ci yow lutax ngay laké mais tak tak bi mom ci bopum du laké lo tax mom ibrahim rasul sallam duggu ci té lak ko hein bu don tak tak day laké obligatoirement kon tay lolu du am benen bitam moy lu démé nek lo mo xam mo adi par exemple tay buma taxawé ci air damay daru air bi suma ci taxawé damay daanu lolou mom moy lolou du loi amul ben loi bu ko wax lolou du xam xam xam nga lan la atté la par experience dañu am experience ci ku taxaw ci air bi day daanu ku dox ci kaw ndox surtout kaw geejju wala yoy da ngay dugg ci bir lolou moy experience mais gis nañu ba tay ay nit yalla yo xamné yalla mayna len lolou ñuy dox ci kaw ndox bi té duñ daanu wala ñu dox ci kaw ngelawli té duñ daanu manam lolou experience la par experience la liñu xam moy ku lek hein ku lek sour manam bo lekke ben quantité nga sour mais amna ño xamantene dañuy lek duñ sour amna kuma mësa gis ci télé bi waji frigo bi lañuy duuy bam fess waji légui la koy lek légui sax du yag sax ba paré nak di laaj am dafa xif manam mom lolou muy bañ c'est à dire que lolou nga xamne mom la wax du sunna wax moy ashaira ak maturidi rahmatullah al jami mom lolou la bañ manam mom bok na ci li la xamne mom la ko proxo xam ni duggé wa lolou dañ ko souligné won pour légui nak benn atté bi moy atté sharia manam kon ñetti atté yoy lola manam lolou dañ ko souligné won parce que dafa contraire ak ma sama ahlu sunna wal jamaa rahmatullah al jami légui mu né wa sawab li wé annaha huna amna fi qisman salisa mais li la koy won sax li lay won ne lolo am moy ñaan mom lim bëgg wax moy té inshallah buñu jéxé li lay won nga le moy ma bu jubbi moy tay fo ñaané nit ki mën na ñaan ba paré yalla du ko jox limu ñaan yalla wo obligatoire mu jox limu ñaan bi li nga ñaan ci mbaxam rek la la ko jox mais ça pas parce que comme da nga ñaan ñaan moy sabab la kon day waral li na am lu mu lekk lo deul lool motax sabab yalla da fay dogal loolu fa man day bind lool motax lool moy qadar le fait que yalla di dogal di bind dara fu nangam amé manam mu koy dogal nimu ko bëgge muy amé loola c'est à dire que kon yalla day bëgg par exemple nit ñi du def par exemple kenn ku ci nek muy wax ak yow wala mu non non par exemple dalay won yono dana par exemple bo bëggé sour dalay comprendre lo né so bëggé sour so léké day waral ak sour mais lolu yalla day dogal sour gi ci jamono ji ngay lek manam jamono ji nga léké ci lay dogal ak sour han wa kullu shay'in indahu bi miqdar wala bok inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar lepp lo gis yalla ne dañ ko bind ci dogal manam du mbir mi ci bopam mo waral lola exactement mais lo mbir mi manam ci jamono jojo lako yalla dogal manam lako yalla indi parce que li lay wone lola moy parfois nga gis contraire existe moy parfois nga gis contraire existe surtout ci miracle lola tax ñu nan miracle foko degge moy li daan yag am tay amul manam da xar bax bokal da nga muné kon wa sawab li nga xamné mo djub an ha wana ne fi gat amna qisman salatan ñetti lu xat ngayrama ci lu wutel nga xamné zakarawtu nako asfa'il aji lajji wote moy an hada al muqaddar ne lolou nga xamné mom lañu dogal qudira dogal nañ ko bi asbabun ci sabab wa min asbabi te bok na ci sababi ad du'a ak ñaan fa lam yuqaddir yalla dogal ko mu jarradan mom kesse an sababi wulif sababam walakin way na qudira degal nañ ko bi sababu ci sababam xam nga li lay wone lolu amul exactement moy parfois yalla dogal lo xamantene nit ñepp dañ nan li lan moy cause bi manam cause bi ci bopam newu fi yalla moko dogal ci lan ci ciobarem moy ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun lu ko neex lay dogal lu ko neex moy am te lu ko neexul do am wa mune fa mata sa yo xamne atal abdu jam bi dikke bi sababu ci sabab bi waqa'a dana rot al maqdur li yalla dogal manam mom kon mom ci mazhabam manam moy bu yalla defé hein su yalla defé manam su jamm bi inde sabab bi ci la mbir may rot su waji indi wul sabab bi yalla lamu dogalon du am wa mata lam yati giso sa yu dikewul bi sabab ci sabab intafa day daqu al maqdur la yalla dogalon xam ngeen ni kol ku ne xam na lu wax joju lanu lol mom wirul ha voilà lolou motax nak motaxone ñu tenir don a préciser que ni mom hein voilà ci masala bi daf ci wuté ko ahlus sunna jamaa mom ak serignum dafa top mom photocopie le ci serignum manam mom moy mom lañ wax mom moy nan la ko gaay tuddé tay sax wa copie conforme mom ci bopam mom moy mom mo ki mo ci fa ki tassare mazhabu serignum rahmatullah alayhi mané lolou day woné ci masala ki ku door nit yaasi mu dé ak ku door lo xamné comme bante balé waji voilà waja dé voilà duñ bokk liñ leen di att wa luñ bokk liñ leen di atté voilà wa comme té parce que comme que yag nañu gis né ku door voilà xam nga nit pour ñu ray ko c'est-à-dire que buñ né bo rayé nit mu ray ko bokk na ci condition yi moy en général lola daanu waral ak dé en général lola daanu waral ak dé parce que en général bo doori nit balu pistolet wala ko door ko jassi day dé mais boko dooré bante balé mu dé duñ la ray à cause de lolu parce que en général lolu daanu waral dé day ndok touti règle du mawé rek hein tuwa bi dañu sen règle lay ndok touti règle wa am xam nga dañuy xalat tamé comme ray wa do fini rek wa ay mi pour ñeu japp ni rek comme visible bi waajo ñu jappal door ñu ko door yo xamantene dina indi dé mo tax waaji niñ ko tej boyu defu ak sax dama maman ni bokoré nit bokoré di nga tudde ay archive rek subhanallah wa deug kon muna wa hadha ti lol kama qudira kem li nga xamne non lañuy dogal ash-shaba'u ak sur wa riyatu ak mandi bil akli ci lek wa sur bi ak nan amna ku ma netale ne cha fas taksal da ñewul satch manam am mburu bo alaaji abdou tegon radhiyallahu anhu ab kess mburu am ki saaku dal mu jël satch ko yobbu gaay ne satch nañ ko fi mune waaw ko baye den ko dotul souris ndax mburu ndax mburu manam mën na lek lu ne sour ba mu dess mburu mom lu mu ci lek du sour xam nga lolu mo lay wone affaire bi du ne sabab bi li xaw histoire bi deug la wala deug mais adina sour rek wa wala mer lolu yeb dalay won rek ne hein ne la cause yi du li mom moy cause bi c'est à dire que li mandar gala comme niko gaay waxe effectivement bo xamné yalla day dogalé ci fofa mbiri té li ci ngay gëmé ni yalla moy def lu ko neex di dogal parce que su doon cause yi dañ am seenu jeexital indépendamment hein voilà day voilà mune waqdira dogalef na al waladu dom ji bil wati ci sey gimi ki sey soxna waqdira té dogalef na husulu zar'i andak manam am récolte bi manam voilà meñef bi bil basri ci soul gi nit ki soul pep mi waqu degalef na khuruju nafsil hayawan gennu bakanu njaay all bi manam animal bi bil zabh ci grende wa kadhalika niki non qudira degalef na dukhulul jannati dugg aljana bil amal ci sababu jeufi wa dukhulun nar ak dugg sawara han bil amal ci jeufi ci def yu bonni tamit xam nga li mu wax xam ngeen ni amul ndax manam mom kon mom pour mom nit ci mën ta dugg aljana ta jeuful han wala nit ci cela veut dire que bu defé c'est à dire que mazhab bi sax mom moy mazhab danaka moy mazhab yu jam ci gaay qadariyyi après ni lañu xalaat muna wa hada al qismu bi li khat huwa al haqq moy deug neena mom li moy deug and ak li ku sétal sa lambir mi deug xamné lu li moy deug mun wa hadha li yahrimuhu moy li nga xamné xagn nañ ko as-sa'il ajlaji wala mi wafaq lahu te ha deppele wuñ ko neena dañ ko ko xagn wa ala kul hal ki ñaan ki laaj tamit laajam be ki laaj sik neeku ci na laajam bi jubut on est d'accord ndax mom limu laaj mo lu ñaan di jariñ ko dañ nan ko lu lek di jari mais aussi dañu xamne yalla daf koy dogal mais aussi melul comme mom limu wax nga xamantene bu sabab bi amé cause bi am bu sabab bi dakk dogal bi am bu sabab bi dakk dogal bi dakk dedet lol tamit demé wut non hmm ben moy yalla bu bëggé nga def nangam manam moy rek li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax bimu né yalla dogal na ñi dem aljana ñoy dem sawara ba paré hein baga sayyidna umar dal nako fa bimal fa fi mal amal kon jëf yi lan lay jariñet ak ci lutax ñuy def lu mu ci tek daf né i'malu kullun muyassaru lima khuliqala jëf leen kenn ku ci nekk yalla da nako yombalal li tax yoon wa tax mu bindu ko la tax mu bindu ko moy dem aljana wala dem safara yalla da nako ko yombalal kon cela veut dire que dogal bi mom munu te jass ñaan bi sabab la te sax manam ñaan gi wala sabab bi bi nit ki di def ba tax muy am nangam rend gi manam nit ki rend jël ba paka jaarale ko ci putu waji ci putu animal ba mu de han lolu yep ay sabab lañ parce que nit def nañ ko lu geu parce que lu way def de nit def na lu ko gëna graw te deewu lo fu gis way def ko de rek gis nga ku ko def lu gëna graw te deewu hmm wa donc motax ñu naan ay miracle la voilà daan na ci avion ki deew te waji ki mom def daan won 3e étage de amna ci ko ku nekkon sarna premier étage donc la daano de keneen ki mom ci avion ba la joge daan ci deew ci avion ba ci kaw avion ba tok tas mu daan te deew donc mais yalla mom moy dogal lolu et puis day won nit ñi mini doxale manam c'est comme si langage la bu yalla di utiliser pour won pour wax ak ñom ba paré di len won aussi que ni lepp lu mu def daf ko tek ci yoon ba ba dafa tek ay loi mais cela mais dara du fi dox mom kesse lepp ci dogalam lay amé wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar jalla jalaluhu tramater bi amon une semaine lek ñu naan ñu nek ay comme voilà haiti voilà haiti waaw ñu nekkon haiti 8 jours waaw lekku ñu nanu dem dar ba pare non ci sax noyi wuñ noyi gu tax ñu wax ci ñu fi fa tek ta te ñu ngi doon dund fa wahina idhin bu boba nak fa doa u ñeen kat min aqwar asbabi bok na ci sabab yi gëna mag ci sabab yi waaw lool sabab la aussi motax xol señ babakar radhiyallahu anhu ko waxe mu ne sabab lu leen te bu leen sukkandiko yeengu yi kay wala lol moy xok mun aaji moy xok mu bi xaral di am ci aada moy li yalla de teural wa moy sabab dul te xamne lo am yalla ko def sabab lu yow mais lu mën ci xew yalla ko def wa mun kon nak fa idha quddira ndem dogal na waqul mad'uwa bi rotu li ñi ñaan bi duay ci sababu ñaan lam yasiha du wer an yuqala ci ñuy wax na la fa'idatu fi du'a'i ñaanal amul ngari kama la yuqalu kem nga xamne deful wax la fa'idatu fi al-aqli lek amul ngari wax shurbi an nan wa jami'al kharakat ak mbolem yengu yengu wal a'mal ak jifi wa laysa shay'un te nekku dara min al-asbabi ci ay sabab nak an fa'a du lu gëna jariñ min ad-du'a'i ci ñaan wala ablagha amul dara lo xamne mo gëna jotté fi hasulul matlubi ci amu sakuti fi wa legui kon ñu daal ki yom sama inshallah taala wala bu ko benen yon ki buntu bi jeexul wala ak benen yon inshallah sallallahu alaihi wasallam